Fleur. Bonjour Charlène. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu veux bien te présenter brièvement pour nos auditeurs? Oui, je veux bien. C'est pas forcément évident. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, si je reviens d'un côté un peu perso, je viens d'une famille de trois enfants. J'étais l'aînée. Plutôt en mode enfant assez sage, pas de crise d'ado. Je pense que ma sœur pourrait vous en parler de combien j'ai pas préparé le terrain sur ces plans comme ça. Et pour autant, je suis pas sûre que j'ai été de tout repos pour mes parents. J'ai eu une maladie assez grave quand j'étais petite. Je mentais pas mal à mes parents parce que j'avais peur de me faire gronder. Donc j'avais du mal à annoncer mes mauvaises notes, par exemple. Voilà. Après, j'étais une enfant assez sage et studieuse et bah, en lien avec les mensonges probablement. Je pense qu'un truc qui a expliqué beaucoup de choses après dans ma vie, c'est que j'ai beaucoup fait le lien entre être aimable au sens littéral et être parfaite. Donc, je croyais que mes parents ne m'aimeraient pas si j'étais pas parfaite. Bah, j'ai suivi un peu la voie tracée, j'ai rejoint une école d'ingé, j'ai rencontré mes amis pour toute la vie, j'ai rencontré mon mari et père de mes enfants. Et puis, bah, je continue en voie tracée, hein, j'ai pas fait beaucoup de choix dans ma vie. J'ai fait une année de césure dans un cabinet de conseil, ça me paraissait être un bon non-choix. Et là, en fait, bah, mon premier client s'appelait Wengo. Et Wengo, bah, c'est devenu My Best Pro et c'est la boîte où je suis encore 16 ans après. Donc j'étais stagiaire il y a 16 ans et aujourd'hui directrice générale aux côtés des fondateurs. C'est une belle histoire. Voilà, ça c'est un peu mon parcours. Après, au-delà de ça, et ce qui fait que je suis arrivée sur Wengood notamment, j'ai été beaucoup portée par ma rencontre avec moi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai, je pense, eu beaucoup de souffrances liées à ce lien que j'avais fait dans ma tête entre être aimable et être parfaite. Et j'ai eu de la chance d'abord d'aimer réfléchir, d'aimer m'introspecter et de mettre des mots un peu sur mes pensées. D'être assez analytique et de faire des raisonnements. Donc, je me suis demandé si les gens que j'aimais étaient parfaits. J'ai vu qu'ils n'étaient pas, donc je me suis dit que peut-être qu'on pouvait du coup moi aussi m'aimer même si j'étais pas parfaite. C'était quand même une grosse démarche très intelligente. J'ai fait beaucoup de belles rencontres qui m'ont encouragée à être moi. Et puis, j'ai eu des enfants. J'ai eu un enfant, puis enfin une fille, puis un garçon. Et ça m'a beaucoup encouragée à faire un chemin dans l'acceptation de moi. Donc voilà, donc aujourd'hui qui je suis, je suis quelqu'un qui apprend à dire je veux et j'ai envie. Je suis quelqu'un qui gère sa charge mentale, sa culpabilité, des petites voix dans sa tête. Et puis quelqu'un qui jongle entre ses enfants, son travail, sa famille, ses amis et moi. Voilà pour te dire un peu qui je suis, ma chère Charlène. Ça fait beaucoup de choses pour Oui. jongler. Je voudrais qu'on parle un petit peu du confinement, si on se fait un petit flashback il y a un an, tout pile, en mars 2020. Comment tu l'avais vécu ce premier confinement? Écoute, j'ai passé du temps récemment à réfléchir à ça et à revenir un peu en arrière, parce qu'on est un peu sur une expérience où on espérait qu'on n'avait pas besoin d'être capable de la revivre et en fait, ça dure un peu. Et en fait, je me suis rendu compte que tu sais, c'est un peu comme la grossesse et l'accouchement. C'est-à-dire que la mémoire a cette espèce de magie de faire un peu le tri, tu vois, dans les souvenirs. Et en fait, en première réaction, je retiens un peu les bons côtés de cette période, que même à des moments, honnêtement, assez bizarrement, je me rendais compte que je la regrettais un peu pour ce que j'avais apprécié de la période. Donc, j'avais apprécié de passer plus de temps avec mes enfants. On a découvert pas mal, il y a pas mal d'activités, par exemple des Lego. On ne faisait jamais de Lego avant parce qu'en gros, c'est métro, boulot, dodo la semaine et puis le week-end, on sort. Là, il fallait occuper le temps. Donc, on a découvert des activités d'intérieur comme ça qu'on ne pratiquait pas d'habitude. C'était cool. Le fait de faire l'école à la maison, ça m'a permis de voir un peu ma fille apprendre. Et en fait, c'est des choses qui sont assez comment, opaques pour les parents. Et là, de la voir en quelques semaines, les progrès, l'apprentissage, c'était assez bluffant et un émerveillement à constater. On a beaucoup passé de temps avec mes enfants sur fallait faire à manger tous les jours. Hein, il n'y avait pas la cantine pendant le confinement. Donc, planifier des repas ensemble, faire des recettes et tout, c'était cool. Au niveau du boulot, on travaille sur trois sites dans l'entreprise. On est à Clermont-Ferrand, à La Rochelle et à Paris. Et en fait, le fait d'être tous à distance, ça nous a un peu rapprochés parce que avant, il y avait vraiment chacun des sites avec des gens qui se voyaient tous les jours et des gens qui se voyaient rarement entre les sites. Et là, en fait, tout le monde était à pied d'égalité. J'ai retenu aussi qu'on avait été hyper agile et qu'on s'était adapté, que ce soit chacun ou l'entreprise. Et ça, j'adore constater combien l'être humain est un être qui évolue et qui s'adapte. Ça a été aussi une espèce de coup de pied dans la fourmilière, ou un coup d'accélérateur sur des mutations qui étaient déjà là, mais qui étaient lentes. Donc, on a vu, enfin, nous, on a énormément accéléré sur la bascule, la collaboration à distance et les façons de travailler à distance. Et puis, à titre plus personnel, il y a eu des conscientisations, par exemple, sur la consommation locale, que j'ai eu le sentiment de ressentir, enfin, de vivre plus ou d'accélérer des sortes de prises de conscience. Et puis, moi, je suis aussi passionnée de voir certaines industries qui mutait lentement vers des nouveaux usages. Et nous-mêmes, Wengo, on était là très tôt avec nos différents produits et on a vu que les marchés n'étaient pas forcément prêts. Et là, il y a eu des accélérations assez dingues. Quand on pense à la visioconsultation sur les médecins, c'est quelque chose dont on parlait depuis des années, mais qui a été forcé par le contexte et qui s'est fait alors que ça aurait pu prendre beaucoup, beaucoup plus de temps si ça avait été une mutation classique, quoi. Donc voilà, et puis après, j'ai trouvé que ça crée beaucoup de liens dans l'humain. Moi, j'ai été hyper. Hyper étonnée, enfin pas enfin voilà, surprise agréable de gens qui se manifestaient, qui étaient empathiques, qui demandaient comment ça va, mais un vrai comment ça va, pas celui qu'on fait socialement parce qu'on se croise et on espère que la personne va pas répondre ça va pas. Donc je trouve que ça a renforcé le lien, le fait de vivre un peu tous ensemble la même difficulté. Bon, ça c'est la partie c'était cool, c'était il y a longtemps et je retiens le positif. En vrai, sur le moment, je me souviens quand même que ça a été hyper dur, hein. On a eu énormément de stress parce que ça a impacté nos activités de manière immédiate. Donc, on a eu à faire, enfin, j'ai eu à faire des plans de trésorerie, tu vois, savoir est-ce qu'on allait survivre en fait économiquement. Mettre en place des dispositifs d'activité partielle, donc rajouter à nos collaborateurs le fait de leur dire, voilà, on dit activité partielle, mais enfin ça s'appelait surtout chômage partiel, donc te retrouver à dire à tes collaborateurs que tu les mets au chômage, même si c'est technique, entre guillemets, c'est hyper stressant, c'est des sujets qui étaient hyper inconnus, assez inédits, du coup très peu documentés, donc voilà, et puis en même temps, fallait prendre soin de l'équipe à distance, alors que j'avoue que, enfin, pour gérer l'entreprise aujourd'hui, historiquement, un de mes outils, c'est de croiser le regard des gens dans les couloirs, tu vois, et de sentir, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais si ça va ou si ça ne va pas, et du coup, le besoin d'aller vers un tel ou un tel. Donc, ça, le faire à distance, c'est compliqué. Ça, c'était sur le boulot, un peu en mode la prod doit se maintenir, mais en parallèle de ça, tu te retrouves avec les enfants à la maison. Les enfants, enfin, ça te pousse sur la patience. Un truc de fou, je sais pas trop comment le décrire, mais c'était fortement accru. Et puis en plus, j'ai eu l'impression qu'ils se rechargeaient, tu sais, comme des piles électriques normalement qui se déchargent à l'école, tu vois. Et là, ils se déchargeaient plus. Et du coup, je me retrouvais progressivement avec des enfants qui trépignaient, qui n'arrivaient pas à s'endormir. Donc, en plus, ça me faisait des soirées à rallonge, là où normalement, tu vois, après l'histoire du soir, j'ai un peu un moment de tranquillité. Et là, il n'y avait pas. Je culpabilisais beaucoup en me disant qu'il fallait que je passe beaucoup plus de temps avec eux, mais je faisais ce que je pouvais avec ce qu'il fallait faire pour le boulot, quoi. J'avais l'impression, je regardais les réseaux sociaux, j'avais l'impression qu'on m'injonctait partout, encore plus que d'habitude, tu vois, faire plein de choses parce qu'il y avait plein de temps nouveau. Et moi, honnêtement, à la fin de la journée, d'une part, j'avais envie de rien faire. Si, peut-être regarder une série ou jouer à Candy Crush, tu vois. Et en plus, honnêtement, je n'avais pas le sentiment d'avoir beaucoup plus de temps que ça. Je ne sais pas si j'étais mal organisée ou quoi. Mais c'était dur. Je me suis mise à courir quasiment tous les jours. D'abord pour évacuer, je pense. Et puis en plus, parce que bon, j'ai un rapport à mon poids qui est ce qu'il est. Et du coup, je stressais devant l'inertie et la sédentarité d'un effet d'empattement, tu vois, qui viendrait rajouter à tout ça. Et puis des choses qui, je pense, se mesurent pas parce que tu vois, c'est pas comme manger, boire ou dormir. On voit pas le besoin de ressources, mais je pense qu'au final, des choses qui se mesurent pas, mais de liens, de prendre l'air, du contact avec la nature, du fait de bouger, de pas être toujours au même endroit, tout ça. Enfin, je pense qu'il y a plein de nourriture. Un peu qui viennent du quotidien et que si tu l'enlèves du jour au lendemain comme ça t'atteint, même si t'as pas vraiment de signal pour te rendre compte. Enfin, c'est pas comme quand t'as faim ou comme quand t'es fatigué, quoi. Tu te rends pas compte de ce truc qui te manque. Tu mets pas forcément de mots dessus. Voilà, donc je me souviens combien c'était difficile pour tout ça et en même temps, je me souviens que ça a apporté plein de choses comme toute. C'est comme tout déséquilibre, quoi. Ça nourrit aussi, ça remet en cause des choses, ça force à se poser des questions et c'est pas que négatif. Bah effectivement, merci pour ce petit débrief très clair du positif, du négatif, du changement et on fait avec. Du coup, bah on le voit, tu es passionné par ton métier, tu aimes les gens, tu aimes ton entreprise, tu as une vie professionnelle qui est bien remplie, deux enfants en bas âge, tout ça dans le même espace en ce moment. Comment tu fais pour que ça marche? Alors déjà, je vais te dire, première réaction, comment je fais quand même pour que ça marche? Ben, comment est-ce que tu sais que ça marche? Parce que moi, tu vois, un de mes soucis dans la vie, c'est que j'aurais besoin, tu vois, d'un espèce de grand évaluateur qui viendrait à la fin de chaque journée, à la fin de chaque période, me mettre un 20 sur 20, tu vois, comme à l'école. Quelqu'un qui dirait c'est quoi 20 sur 20, quelqu'un qui me dirait que bah voilà j'ai 16, j'ai 18, j'ai 14, enfin une sorte de référentiel, tu vois. Là moi aujourd'hui dire que ça marche, bah, j'avoue que le soir je ne sais pas si j'ai bien fait ma journée parce que j'ai pas cette évaluation, tu vois, que j'aurais attendu du prof ou du parent. Bon alors ça n'existe pas et j'en ai quand même besoin. Donc, l'approbation, il faut que j'aille la chercher en moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que ça marche? La boîte se porte assez bien. Les projets ont l'air aussi de bien se porter. Et peut-être que j'y suis pas pour rien. Mes enfants, ils ont l'air heureux. Les adultes qui les côtoient à l'école et tout disent que enfin, sont plutôt positives. Donc, ici aussi, j'ai peut-être ma part de responsabilité. Donc, je vais admettre, ça marche. Et du coup, ça marche, d'abord parce que je pense qu'il y a toute une partie dans le quotidien qui est un peu de la logistique, tu vois, de la gestion de projet. La gestion de projet, c'est un peu mon kiff, c'est un peu mon métier. C'est ça aussi, je me souviens d'échanges avec les fondateurs de My Best Pro, et notamment un qui se trouve nul en cuisine, et notamment parce qu'en cuisine, il faut faire plein de choses en même temps, et il faut s'organiser, sinon à la fin, tu as un repas qui n'est pas prêt dans l'ordre, qui n'est pas prêt à temps, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai la chance d'être dotée d'un cerveau qui est à l'aise sur la gestion multitâche, on va dire. Donc je pense, j'imagine, ça aide. Dans la gestion de la famille, du foyer et de l'entreprise en même temps. Ce qui fait aussi, enfin, ce sur quoi je travaille beaucoup, c'est. Moi, je ne sais pas si tu vois, tu sais, comme dans les BD, souvent, on voit un petit ange et un petit diable Je vois, je vois. au-dessus de la tête du personnage qui parle avec des bulles. Et moi, j'ai souvent cette impression d'avoir ces deux voix dans ma tête. Alors, pas forcément au sens faire une bêtise ou pas faire de bêtises, mais au sens. la voix bienveillante ou la voix qui fait au mieux, et puis la voix qui la critique en permanence et qui, enfin là, tu vois, je suis en train de te parler, j'ai une voix dans ma tête qui dit, mais c'est nul ce que tu dis, c'est pas intéressant, mais pourquoi? Mais c'est pas très encourageant et ça m'aide pas, tu vois. Donc c'est l'espèce de bavardage de mon cerveau. Vous allez on va me prendre pour une folle qui a plusieurs personnes dans son cerveau, mais je pense que je dois pas être la seule. Donc voilà, donc je pense que je travaille pas mal à essayer d'identifier les personnes qui se parlent dans le cerveau et essayer de faire un peu plus confiance ou d'aider le petit petit ange, je sais pas s'il est angélique, mais en tout cas la partie plus bienveillante et qui m'encourage. Ce qui m'aide surtout et beaucoup, hein, le principal, c'est que j'ai des personnes incroyables autour de moi. J'ai eu des rencontres de ouf dans ma vie. T'en fais partie d'ailleurs, toi, Charlène, Merci. qui m'écoutent, qui me permettent de m'exprimer et je dirais sans complaisance, quoi. J'avoue, j'ai des personnes qui sont plus complaisantes que d'autres. Je choisis en fonction de mon désarroi vers qui je vais, mais globalement, je me sens très entourée de personnes. J'ai eu la chance, j'ai l'impression d'avoir rencontré des personnes qui, comme je disais tout à l'heure, qui m'encouragent à être moi. Et ça, c'est important parce que, en fait, le plus dur à la fin de la journée, comme je disais, c'est de se dire, est-ce que, enfin, j'ai fait au mieux et j'ai des capacités pour faire ce que je fais. Mais à la fin de la journée, je le fais pour des gens, je le fais pour faire bien, j'ai besoin de feedback, quoi. Et donc, je pense que les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, qui font partie de mon entourage, qui sont là pour m'encourager, qui sont là pour m'écouter, font beaucoup pour m'aider et rendre ça possible au quotidien. J'ai appris beaucoup à mettre des mots sur mes émotions, à sentir. J'écoute beaucoup mon corps. Je sens quand j'ai mal au ventre, quand j'ai le diaphragme qui se bloque, quand j'ai ma tête, tout ça. Enfin, j'ai des signaux que j'ai appris à écouter, je pense, de mon corps quand il me dit en gros ça va pas, et j'essaye de le gérer. Et puis, j'essaye aussi d'oser prendre du temps et pas faire uniquement ce qu'il faut. Donc ça rejoint mon histoire de bavardage du cerveau. Mais il y a plein de moments où je me sens pas forcément alignée. Ou je sais pas, je te donne un exemple. Mais le week-end, mon mari sort mes enfants et moi je sors pas avec eux. Et donc à la fois j'ai une culpabilité énorme à me dire que je zappe un moment familial et que c'est important, que c'est pas bien pour eux, gna gna gna gna. Et en même temps, c'est un moment où je suis seule, où je respire, où je fais du piano ou rien. Je sors, je vais courir. Enfin, c'est un moment pour moi. Et donc effectivement, c'est un peu égocentré. Et en même temps, est-ce que c'est complètement égocentré, sachant que ils ont besoin de me sentir aussi à l'aise dans mes baskets et que cette petite bulle me ressource probablement. C'est le genre de choses que je fais qui font que je tiens debout, enfin, je crois. Ça a l'air. merci beaucoup du coup pour tes petits secrets qui j'espère inspireront nos auditrices. On va passer à la phase question un peu crash test. Quelle est la chose que tu as préférée ou que tu préfères en télétravaillant avec tes enfants? Ça, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as vraiment le sentiment, en les voyant comme ça jour le jour, et notamment avec les activités scolaires, tu les vois vraiment grandir, apprendre et évoluer. Et moi, vraiment, ça me passionne. Depuis le départ, je trouve merveilleux l'éveil de l'enfant qui apprend à marcher, à parler, à manger. Enfin, je trouve ça assez magique. Et en fait, on perd un peu le fil des progrès qu'ils font. Et de comment ils font ces progrès-là, et j'avoue que j'adore les voir à l'œuvre et les observer. Et c'est vrai que en travaillant à côté d'eux, j'ai eu accès à ça, j'ai beaucoup moins accès à ça en temps normal. Est-ce que tu détestes le plus? Ah. Je crois que les moments les plus difficiles, c'est quand d'une manière ou d'une autre, je dois me concentrer, mais vraiment, tu vois, je dois travailler sur un business plan, par exemple, ou je suis en réunion et du coup, ça implique une écoute vraiment active. Et là, enfin, gérer les enfants à côté, c'est plein de connexions, déconnexions en permanence, quoi. Ils t'interrompent. Du coup, tu te déconnectes du sujet, donc de ta réunion, de ton, du business plan. Et puis, il faut se connecter à leurs questions, qui est toujours très importante pour eux. Genre, maman, ça s'écrit comment ça? Ou maman, mon petit frère m'a tapé, gna gna gna gna. Donc, tu te connectes à leurs problèmes, tu essayes de te mettre au niveau de ce problème qui est vraiment grave pour eux, pas forcément autant pour toi. Tu adresses le point et ensuite tu reviens. Et quand tu reviens, bah, du coup, sur le business plan, il faut se reconnecter au sujet. Quand tu reviens en réunion, en plus, tu as une espèce de culpabilité ou presque de peur du jugement, tu vois, que les personnes en face, bah, tu leur fais perdre leur temps, enfin, etc. Donc, en fait, tout ça, au-delà du fait que, bah, de toute façon, il faut l'accepter, c'est comme ça. Et je pense que comme on est aussi un peu tous dans cette situation-là, ça aide à l'accepter. Donc, j'ai pas peur plus longtemps que ça d'être jugée ou de moins produire. Mais c'est vrai que ça fatigue, en fait. Et en plus, bah, tu as cette culpabilité parce qu'honnêtement, je ne fais pas toujours preuve de patience quand ils m'interrompent pour des questions aussi cruciales. Et en même temps, bah, comme à chaque fois que je ne fais pas preuve de patience, je m'en veux. Ça s'amuse beaucoup. Bon, à titre tout à fait personnel, moi j'avoue, j'adore quand tes enfants interagissent. Je trouve ça hyper rafraîchissant, donc je pense que c'est pareil pour tout Bah, écoute, le merci de le monde. dire, ça participe à me rassurer. Et quel est le moment de la journée que tu préfères du coup? Bah, mon moment préféré dans la vie, c'est le petit déjeuner. J'avoue que je ne prends pas vraiment ce temps-là la semaine, donc c'est mon moment préféré du week-end. En semaine, bah, ça serait, enfin, son équivalent serait le soir quand les enfants dorment et que je travaille pas parce que ça m'arrive aussi de travailler le soir. Donc c'est un moment de déconnexion où j'ai l'impression un peu d'atterrir, de poser les choses, de prendre du temps pour moi. Bon, c'est pas tous les soirs, mais c'est ça mes moments préférés. Et ton dernier fou rire, c'était quand? C'était quoi? C'est horrible, je m'en souviens pas. Non, bah, j'avoue, là déjà, tu vois, on est reconfinés avec les enfants, tout ça. Enfin, si, je souris, je m'émerveille de mes enfants, mais c'est pas un fou rire. Y a des rires. Il y a des rires quand même dans les journées avec les enfants, mais un vrai bon fou rire. J'ai un souvenir, là, ça doit être d'il y a quelques semaines, je me souviens, j'étais en visio avec mes associés, et il y en a un qui a dit un truc qui m'a fait mourir de rire, mais vraiment, et comme ça m'arrive rarement de rire, mais tu vois, je sais même plus te dire pourquoi. Je me souviens de ce sentiment parce que j'ai eu envie de la remercier de me donner ça. De me faire rire comme ça m'a fait du bien de me sentir, tu sais, un truc pareil qui m'émerveille beaucoup avec les enfants, c'est combien ils ont des rires tellement purs et puis bah, des pleurs pareil, tellement purs, quoi. Il y a une amplitude dans les émotions que je trouve dingue et qui est du coup très belle dans les rires parce que l'émotion, la joie, elle est pure, elle n'est pas teintée comme chez nous les adultes de toutes les nuances de notre vie. Et c'est vrai que dans ce moment, j'ai eu l'impression qu'il me faisait un cadeau en me faisant rire comme ça. Mais je ne sais pas te dire ce que c'était, et je sais te dire que ce n'était pas cette semaine. Et du coup, ça nous emmène à la question suivante. Tu parlais de pleurs, la dernière crise de larmes, la vraie, c'était quand? Alors, si tu m'avais demandé ça hier, je pense que tu aurais dit il y a 1 heure. Non, je rigole, mais là, il se trouve que mes enfants sont partis ce matin chez mes beaux-parents, donc je pense que ça va limiter mes crises de larmes. Parce qu'en fait, dans mon scénario classique de crise de larmes, j'en ai un qui est un peu lié à la fatigue, à l'énervement. C'est vraiment une crise de larmes, quoi. C'est tout d'un coup. La colère qui sort d'une manière ou d'une autre. Et assez bizarrement, enfin bizarrement, je ne sais pas si c'est bizarre, mais en tout cas, avec mes enfants ou avec mon mari, ça sort, quoi. C'est comme si j'avais besoin de le sortir pour que, genre, je ne sais pas, qu'ils se sentent coupables ou que je les punisse de me faire ressentir ça. Je ne sais pas comment dire, mais je m'énerve et je pleure. Avec le reste de mon entourage, je pense qu'ils me voient rarement pleurer ou m'énerver parce que je pense que j'aurais plus peur de leur jugement que je ne l'ai avec mes enfants ou mon mari. C'est un peu horrible, mais je crois que c'est comme ça que ça se passe. Du coup, ça arrive quand, voilà, quand je suis fatiguée, quand je perds patience, et c'est arrivé clairement plusieurs fois depuis le début de ce reconfinement. Après, d'autres pleurs qui sont vraiment plus de la tristesse ou des pleurs plus profonds, on va dire, moins le côté chimie, j'ai besoin d'extérioriser. Ça arrive, ça m'a dû m'arriver, je pense, il y a 1 ou 2 semaines. Ça m'arrive quand je suis très, très chagrinée par quelque chose que j'identifie pas tout de suite, mais ça monte, ça monte, ça monte. Tu vois, la petite boule, le vase qui se remplit. Et puis souvent, au moment de m'endormir, j'y pense, je creuse, je mets des mots et en fait, j'écris aux personnes qui sont impliquées. J'écris, mais virtuellement, tu vois. Je leur parle dans ma tête, comme si je leur écrivais une lettre ou que je me préparais à ce que j'allais leur dire le lendemain parce que, voilà, il y a quelque chose qui m'attriste ou qui me fait peur. Et à ce moment-là, je pleure. Et ça, je pense, je dis, c'est arrivé il y a 2 semaines. Voilà, donc c'est régulier, mais lié à l'environnement et à la fatigue sur les crises au sens crise de larmes. Et puis, bah, quand j'ai des points de difficulté, c'était ouais, il y a 2, 3 semaines, je pense. Bon, bah, tu évacues bien, ce que je vois. Ouais. Est-ce que y a un truc de mauvaise mère que tu ne faisais pas avant et que bon bah là tu te dis c'est pas si grave pendant le confinement? J'ai un peu honte, hein, mais Netflix est une très bonne babysitter. Donc, J'avoue. voilà. Donc j'avoue qu'une façon d'être tranquille, c'est de leur mettre une série. Alors, bon, ils ont d'autres activités. Tu vois, par exemple, là, ils m'ont fait une centaine de coloriages Pokémon sur les derniers jours, qui est une activité très calme et qui marche bien. Mais bon, tu vois, ça arrive quand même qu'ils se disputent, etc. Alors que chacun sur Netflix, ça marche assez bien et ça me permet d'être tranquille. Donc, j'ai appris à gérer ma culpabilité de mauvaise mère sur cet aspect-là en me disant que bah, il fallait faire avec. Et du coup, j'ai envie de faire ma curieuse. Est-ce que tu aurais une petite anecdote un peu perso à nous raconter? Ouais, je t'en donne plein du perso. Une anecdote, bah, si je reste dans le contexte, bon, j'ai des sujets qui sont plus ou moins faciles à gérer, comme tu l'imagines, au quotidien, et notamment des interactions avec certaines personnes qui sont plus ou moins faciles, qui me challengent, etc. Et la semaine dernière, j'ai eu un moment, un call, comme ça fait du bien, tu vois, on s'appelle avec un collègue que je connais bien et à qui je me confie. Aisément et du coup je lui raconte un peu mes déboires du moment sur une partie de l'activité qui sont plutôt des déboires relationnels quoi, en tout cas des difficultés que j'ai et je lui raconte et bon mes enfants sont dans le coin, ils sont en train de colorier, rien de spécial, ils viennent 1 ou 2 fois à l'écran comme tu disais tout à l'heure, ça leur arrive mais rien de spécial et là avec ma fille on sort et là elle me dit, alors maman, il y a des gens qui t'énervent au travail parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis et après ils restent quand même sur leur position. Franchement, maman, je comprends que ça t'énerve. Est-ce que tu as essayé de leur dire autrement? Et donc là, d'une part, elle a compris ce qui me semble être une conversation. Enfin, à chaque fois qu'on parle du travail, pour ma fille, enfin, ma fille, elle sait qu'elle me dit, maman, tu es la chef, mais à part ça, c'est pas très clair, quoi. Je dis aux gens quoi faire, ce qu'ils ont à faire. Mais pour elle, mon travail n'est quand même pas très concret. Donc, j'ai l'impression, quand je parle travail à côté d'elle, qu'elle ne capte pas tout, tu vois. Mais là, du coup, elle avait non seulement intégré toute une partie de la discussion, elle en fait une espèce de synthèse et elle me propose un plan d'action. J'étais là, wouh, wouh, wouh. Et en même temps, bah, ça fait un peu, tu sais, cette phrase de « les enfants sont formidables », elle résonne tellement souvent. Donc, voilà, c'était ce qui s'est passé la semaine dernière et j'ai trouvé ça assez... assez incroyable et ça fait partie bah, des émerveillements. C'était pas un call facile parce que d'une part, je me confiais, j'en avais besoin et en même temps, il fallait les gérer en même temps. Je faisais les devoirs puis les coloriages en même temps. Et en même temps, de voir comment elles s'en étaient nourries. Bon, ça fait un peu flipper aussi, mais c'était assez drôle. Et du coup, si tu as besoin de conseils pro, tu sais à qui t'adresser maintenant. Clairement. Bon, et dans tout ça, tu arrives à trouver un petit peu de temps pour toi, rien que pour toi? C'est une question assez difficile parce que, en fait, je te dirais d'un côté non, parce qu'honnêtement, tu vois, pour gérer typiquement ce nouveau confinement avec l'école à la maison ou les enfants à la maison, ma solution en gros, c'est de détendre mes plages horaires et de gérer un planning plus long du coup qui répartit le temps entre les enfants et le travail. Donc si on considère que du temps pour moi c'est en dehors des enfants, en dehors du travail, en dehors de la maison, non, à la fin de la journée il reste pas grand-chose, je dirais. Après, j'avoue que tu sais, ça rejoint pour moi la question de pro-perso, ce que tu fais pour toi, ce que tu fais pour les autres, etc. C'est-à-dire que je pense quand même que dans mon quotidien, il y a énormément de choses que je fais. Enfin, j'ai la chance de faire, je dirais pour moi. Enfin, moi, je grandis beaucoup, je me nourris beaucoup de tout ce que je fais au quotidien. Donc, je me réalise beaucoup, tu veux, dans les projets et dans la gestion des enfants. Donc, si on dit ça au sens de est-ce que j'arrive à souffler, honnêtement, peu. Mais pour autant, je n'ai pas l'impression de me sacrifier. Voilà, c'est ça. Je pense que je me nourris énormément. C'est un peu trop dense en ce moment. Heureusement que ça dure pas tout le temps, tu vois. Là, comme je te disais, à 9 h, les enfants sont partis ce matin et j'avoue que il y a comme un souffle quoi, enfin, je respire quoi. Je me sens moins sous pression. Voilà, c'est un peu dense. Il faudrait pas que ça soit comme ça tout le temps, mais j'ai pas l'impression de m'oublier complètement dans l'histoire. Ben merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, Anne-Fleur. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de podcast et à très bientôt. Merci beaucoup, Charlène. À bientôt.